jamais s'entendre, on crée des distances. Ton indifférence remet tout en question. Seul un cœur de pierre séduira mes usages. Tu me questionnes encore, je ne réponds pas. Parce que ma réponse était une question. Sans aucune vision. On se démène un jour, puis l'autre on dit non. Si tu savais comme les taux se resserrent, finalement les mots, à quoi